Donc, Ventebure, c'était une manifestation qui avait lieu fin septembre à Nancy contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans l'est de la France. Juste, j'ai pas le temps et l'envie aussi peut-être de rappeler exactement c'est quoi le projet Cigéo et pourquoi les gens s'y opposent. Mais pour avoir les infos détaillées là-dessus, vous pouvez aller sur infobure.com. Et donc là, c'est quand même un site qui vraiment un peu plus détaille le projet, etc. Et autrement, vous pouvez aussi aller sur le site du réseau Sortir du nucléaire. Il y a une très bonne infographie aussi dessus. Et voilà, enfin, en tout cas, ces deux sites-là vous permettront d'avoir des informations détaillées et concrètes sur les risques en fait de ce projet, pourquoi il faut s'y opposer en fait, hein. Pourquoi il est complètement fou et dangereux ce projet. Et après, plus généralement, les arguments contre le nucléaire, bon voilà, en général les gens les connaissent, hein. C'est effectivement une technologie non seulement très polluante finalement. Même si les centrales nucléaires ne rejettent que de la vapeur d'eau, les mines d'uranium, c'est beaucoup de pollution. Et la radioactivité, c'est non seulement de la pollution sur des milliards d'années, mais en plus, c'est très, très dangereux. Mais voilà, et du coup, le nucléaire, ben, effectivement, en soi, on peut aussi s'opposer juste en soi au nucléaire. Et une des façons aussi de forcer l'arrêt du nucléaire, ça peut être de mettre en avant le fait qu'on ne sait pas quoi faire des déchets et qu'à un moment, bah, il faut bien arrêter d'en produire, quoi. Et que du coup, ça, fin, que si on ne peut pas faire quoi que ce soit avec ces déchets-là, peut-être ça forcera d'autant plus les nucléocrates à arrêter, même si bon, on sait à quel point ils peuvent être foufous. Bref, du coup, les nouvelles de Ventebure que vous attendez tous parce que je vous fais poireauter. Du coup, là, je vous lis juste un compte rendu qui a été publié sur un site d'info indépendante, un Mutu. En fait, c'est un article qui parle un peu du décalage entre la manif et ce qui avait été un peu mis en place en termes de dispositifs répressifs et ce qui avait été annoncé dans la presse. La manifestation contre le projet Cigéo d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, samedi 28 septembre à Nancy, a été incontestablement un succès. Ils disent 2500 à 3000 personnes, peut-être plus hein, même, ont manifesté dans la bonne humeur avec slogans, fanfares, die-in et danse macabre. D'après les médias aux ordres, il semble qu'il faille tout au plus déplorer un bris de vitrine. Alors que les mêmes annonçaient que cela allait être une catastrophe. Samedi matin, l'Est Républicain avait ainsi titré Nancy en état de siège, avec à l'appui une photo des panneaux de bois installés pour protéger les vitrines de banque. Donc voilà, ils annonçaient du jamais vu en termes de maintien de l'ordre, etc. Le lendemain, le quotidien régional n'a pu que rétropédaler en titrant, toujours à propos de la manifestation, La foule et le calme. Mais le pire n'est pas du côté de la presse locale, dont on connaît l'indépendance à l'égard des édiles, commerçants et autres pouvoirs locaux. Après tout, cela fait des mois qu'ils maltraitaient les gilets jaunes tant et si bien que plus personne ne s'en étonne. Le pire est du côté du préfet Éric Fraisse-Linard, qui a mis la ville en état de siège en convoquant 500 policiers et gendarmes et en recommandant aux commerçants de baisser le rideau et aux habitants de rester chez elles et eux en annonçant que 150 Black Blocs allaient vouloir tout détruire en bouclant le centre-ville et en le faisant survoler d'un hélicoptère des heures durant. Le délire répressif du préfet n'est cependant pas non plus tout à fait nouveau. Cela fait près de 2 ans qu'on le voit à l'œuvre face aux gilets jaunes, aux lycéens, lycéennes ou aux salariés. Avec le week-end anti-nucléaire, il a dû se sentir pousser des ailes. Le pire du pire encore est du côté du parquet. Dans sa conférence de presse conjointe avec le préfet, le procureur de la République adjoint Aumurie Lacôte a ainsi non seulement annoncé un dispositif d'exception pour faire face à la manifestation, doublement des effectifs, greffiers, magistrats, etc., 2 juges des libertés et de la détention et une audience spéciale prévue le lundi. Emporté par son enthousiasme, Amaury Lacôte est allé plus loin encore en annonçant à l'avance les peines qui seraient requises. Les réquisitions réclameront de la prison ferme assortie d'un mandat de dépôt. N'importe quoi. On croit rêver. La veille de la manifestation, alors qu'encore rien ne s'est passé, en dehors de quelques soirées de projection des basses qui n'ont posé aucun problème, un représentant du parquet se permet d'annoncer à l'attention des manifestants du lendemain que si il ou elle dérape, et quoi qu'il ou elle fasse, il demandera des peines de prison ferme. Et la presse relaye ça sans sourciller. Voilà. Un tel alignement de la justice sur le préfet, de ce dernier sur les intérêts du lobby nucléaire et bien entendu le relais complaisant des médias locaux, c'est tellement beau qu'on dirait une leçon de choses. Où l'on voit que la France de Macron se rapproche tout doucement de la Turquie d'Erdogan ou de la Russie de Poutine. Donc voilà, c'était un article qui a été publié sur Manifeste Info, manif-est.info. Voilà, bon, ça raconte pas vraiment trop la manif, mais de toute façon, cette manif, il n'y a pas grand-chose à en dire, il y avait du monde. Il y avait des flics partout, mais globalement, ça s'est bien passé, quoi. Il n'y a pas eu d'arrestation, il y avait un gros dispositif policier, c'est vrai, mais il y avait plutôt une bonne ambiance quand même. Et voilà, les gens avaient répondu au rendez-vous, enfin, c'était vraiment plutôt bien organisé. En amont de la manif, il y avait des stands, quoi, en fait, avec plein d'associations et de groupes différents, de groupes et de collectifs différents qui étaient là. Du coup, il y avait beaucoup de documentation de plein de groupes différents autour du nucléaire, mais pas que, des luttes environnementales aussi en général. Il y avait des espèces de déguisements, de la musique. Ouais, c'était assez chouette comme manifestation. Après, voilà, il y a eu quand même pas mal de contrôles. Il y avait une zone interdite aussi dans la ville, etc. Bon, il y avait beaucoup de keufs, mais globalement, ça s'est quand même très bien passé. Et du coup, bah, ça, c'est à Nancy. Donc, Nancy, c'est pas très loin, effectivement, de Bure. La manif Van de Bure, elle était organisée parce que, justement, si le site d'enfouissement de déchets se fait à Bure, bah, en fait, il y a du vent. Qui souffle effectivement d'ouest en est et qui du coup pourrait transporter, on va dire, les vapeurs radioactives en fait qui seraient rejetées par le site nucléaire de Bure jusqu'à Nancy en fait. Enfin, selon les études, le vent pourrait transporter des matières radioactives jusque sur la ville de Nancy quand il y a des gros vents en fait. C'est pour ça, du coup, Van de Bure, c'était un petit peu l'idée que il y a une marche macabre qui envahisse la ville pour représenter en fait le vent nucléaire qui pourrait souffler sur la ville si un jour ce projet se mettait en place. Et du coup, bon, c'est un petit peu loin en vrai de Bure quand même. Il faut dire que Bure, c'est un peu paumé dans la campagne, hein, ça n'a pas été choisi pour rien. Si vous voulez suivre un peu l'actualité là-bas, il y a le site d'information burburbure.info, donc voilà, trois fois Bure attaché. Info. Et du coup, bah, peut-être on en avait déjà un petit peu parlé aussi à la radio. Donc là-bas, c'est quand même grosse répression, etc. C'est un tout, tout petit village où il y a quoi? Il y a même pas 300 habitants. De toute façon, je crois il y a 50 habitants. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, vraiment minuscule. Hein. Et malgré tout, enfin, les flics qui tournent en permanence, en permanence, en permanence là-bas. Donc les grosses répressions qu'ils ont subies, c'est notamment des grosses vagues de perquisitions. Voilà, donc beaucoup de procès aussi à répétition hein, pour tout et n'importe quoi. Hein. Ça va de la dégradation en manif, affrontement avec les forces de l'ordre, choses comme ça, à des trucs refus de signalétique parce que sur les contrôles d'identité, les gens donnent pas leur identité. Du coup, ils se tapent des contrôles suivis de garde à vue, etc. parce qu'ils veulent pas donner leurs empreintes ou donner leur ADN. Voilà, et donc il y a plein plein de procès en fait qui se sont succédés. Il y a eu plusieurs vagues de perquisitions à des moments. Il y a eu des évacuations évidemment. Mais ça, c'était il y a déjà un petit moment, l'évacuation du bois. Mais bon, je trouvais que quand même, je sais pas comment dire, l'ambiance là-bas et la mentalité là-bas et les gens là-bas étaient quand même plutôt bonnes. Enfin, malgré la répression que subissent les gens au quotidien là-bas, il y a tout un réseau qui résiste, qui est assez chouette. Et les gens arrivent à quand même organiser plein de choses. Et parmi les choses qu'ils ont organisées, il y avait toute une semaine féministe qui avait lieu la semaine d'avant Van den Bure, donc la manif là que j'ai racontée, donc la semaine d'avant, il y avait une semaine féministe, et il y a un compte rendu, du coup c'est pareil, je vais vous le lire, parce que ça fait plaisir. Ce que j'ai envie de dire en parlant de Bure, c'est ça, c'est de dire, bah en vrai, malgré l'état policier, on peut faire des choses, il y a aussi des choses chouettes qui se passent, et c'est une belle lutte. Donc je vous lis le compte rendu du week-end en mixité choisie à Bure, qui avait été publié sur disjoncté.info. Donc, le week-end du 21-22 septembre avait lieu une marche en mixité choisie, c'est-à-dire sans homme cisgenre, c'est-à-dire sans homme né homme et resté homme, enfin, et se reconnaissant dans ce genre. Donc, voilà, une marche en non-mixité choisie contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, récit de cette initiative inédite. Et il y a de très belles photos que je vous conseille. Nous partions avec le mot historique en tête. En 1981, la lutte de Greenham Common en Angleterre devint non mixte et les femmes gagnent contre les missiles. Ce lien entre écologie et féminisme trouve des formes dans différents pays, lutte, s'expérimente et se vit. Pas en France. Ça ne fait pas partie de notre héritage, de notre histoire de lutte. Et c'est un manque. Parce qu'entre Greenham Common et d'autres actions comme celle-ci, c'est une nouvelle force politique qui se déploie. Bien sûr, écoféminisme en soi, on ne sait pas trop comment le prendre. C'est aussi une question de mots, une tendance à la méfiance peut-être. Ce week-end arrive donc comme le début de quelque chose d'historique, un premier jalon à une force qui se constituerait, une force en mixité choisie, contre le nucléaire. Et ce, dans le territoire de Bure, territoire blessé par la répression. L'Andra, des années d'acharnement ou d'oubli. Donc l'Andra, c'est le truc nucléaire. En fait, il y a un laboratoire qui existe déjà à Bure. Et c'est sur ce site de ce laboratoire, le laboratoire de l'Andra, que doit être construit le site d'enfouissement. Voilà, bref. Nous arrivons donc avec cette attente, un espoir, car nos mères et nos grands-mères n'ont jamais vécu ça. Et de mémoire, nous ne pouvons rien citer de semblable. Le camp est à Montier-sur-Saulx, à quelques kilomètres du laboratoire de l'Andra, où l'Andra, pardon, prévoit d'enfouir ses déchets nucléaires. Tout le camp est organisé avec brio, tant organisé que rien ne dépasse. Nous sommes entre 400 et 500. Il faut le dire, plutôt des militantes venues de plein de villes, d'endroits politiques différents, sans pratique ou culture commune. Et ces jeunes, je regrette, nous regrettons les vieilles. Ces vieilles qui auraient pu nous raconter des histoires. Car dans cette volonté historique, c'est la volonté d'un antécédent, mais aussi celle de nouer l'histoire de nos grands-mères à celle qu'on essaye de construire. Le week-end était prévu avec des moments divers. Concerts, théâtre, repas, ateliers, marches afin que plusieurs pratiques, plusieurs manières de se lier puissent naître. Tout de même, le moment crucial et central était le samedi après-midi, la marche bruyante contre l'abominable, contre le labo de l'Andra. Avant cela, un grand brief était prévu. Que faire si la police était là, en masse, prête à arrêter, contrôler, comme il est habituel dans cette région? Quels avocats appeler? Un geste fort d'inclusion pour que chacune puisse se sentir à l'aise et en manif et en meuse, là où la répression fait rage et laisse des souvenirs traumatiques, comme la manif du 15 août 2017. Nous partons donc à 85 voitures, pare-choc contre pare-choc, traversant villages et champs, et la police reste absente. À Montier, quelques personnes sur les seuils des portes nous saluent. Nous faisons du bruit. Les klaxons se déchaînent et enfin, nous pouvons vivre comme les gens qui font des mariages et qu'on n'a jamais fait ça. Arrivé dans un champ, on se gare sous forme de serpentin. Rien n'a jamais été si bien pensé en termes de parking. Puis on part. Toutes masquées, avec des couleurs et une immense structure mouvante de chats radioactifs. Quelques flics en début de cortège qui, si l'on marche sur le GR, nous laissent tranquilles. Le soleil tape. Et elle et ils marchèrent dans la forêt, dans les champs, sans personne qui ne les regardait. Seuls les objectifs de quelques caméras ou appareils photo les faisaient exister aux yeux du monde. Elle et ils marchèrent jusqu'à arriver sur une plaine plus élevée, dans le soleil, face à ces champs de culture intensive, au loin, se détachait le squelette massif de l'Andra, leur ennemi. Alors, elle et ils allumèrent un feu de ce chat radioactif. Elle et ils crièrent qu'elle et ils était féministe, déterre et anti-nucléaire, et d'autres choses. Un feu d'artifice fut lancé dans le grand jour. La musique, les prix, elle et ils dansèrent. Une mini-free party face au mur sourd de l'abominable labo. Certaines voulurent faire peur, une blague, courir vers le labo, que les deux voitures banalisées au bout du chemin s'inquiétèrent un minimum. Car pourquoi, dans ce territoire réglé, et quadrillés par la police, ils ne sont pas là. Car nous sommes sans Mexis. Alors ils ne craignent pas. Nous ne voulons pas être gentils-gentilles. C'est humiliant. Une discussion a lieu pour savoir si ce geste doit être fait ou non. Une discussion qui se révèle minée, complexe, pleine d'embûches. Disons que porter un geste politique comme celui-ci, venant de tant d'endroits différents, est un processus complexe. Une discussion qui ravive des traumatismes que porte ce territoire chargé de flics, de contrôles, d'instructions abusives. Ces traumatismes traumatisme qui coupe les jambes. Et sans parler de traumatisme, on a le droit d'avoir peur, de ne juste pas vouloir jouer avec le feu. Dire que ce qui s'est passé en ce samedi 21 septembre est déjà une victoire d'être toutes là, ici, sans contrôle ni flic. Au fur et à mesure des années, beaucoup de personnes craignaient de venir à Bure. Et là, avec le week-end, c'était une possibilité de mettre de côté sa peur. Mais certaines auraient aimé porter un geste plus offensif. Qu'en faire ? Le consensus est-il tenable dans la pensée d'une action politique ? Ne vaudrait-il mieux pas accepter nos différentes tactiques, stratégies et se porter les uns les unes les autres depuis ces différences, plutôt que de devoir absolument être une ? Ne sommes-nous pas une ? Nous ne voulons pas l'être. Nous voulons exister dans nos différences et ne pas les penser comme des exclusions, mais des endroits et des possibilités différents. Mais cela semblait un peu prématuré. Alors, elle et il rentrèrent sans embûche à leur campement. Elle et il virent une pièce magnifique de théâtre, un concert incroyable, dansèrent. Et ces liens, de ces moments ensemble, espèrent que tout cela n'était qu'un début. Et ce n'était qu'un début, soyez-en sûrs. Le début d'une nouvelle histoire qui peut-être ne sera pas historique, avec un grand H, mais s'écrira en dehors de ce grand geste masculin. J'ai commencé ce texte en disant « nous partions avec le mot historique en tête ». Je l'écris presque honteusement. Évidemment, ce week-end tente de réhabiliter quelque chose qui n'a pas eu lieu historiquement, le réhabiliter aujourd'hui, partant justement cette histoire que nous n'avons pas, sans faire semblant d'y appartenir, mais en s'en inspirant. Mais pourquoi le premier réflexe serait-il de vouloir occuper, reprendre la scène de cette grande histoire avec un grand H, que nous-mêmes nous décrivons comme écrite par les hommes blancs ? Je le dis en me dénonçant moi-même, car forcément, on rentre pleine de ce que nous mettions dans ce geste, sans savoir s'il est tout à fait audible, en se voulant plus offensive. Ce qui est sûr, c'est que poser ce premier geste écrit un premier chapitre d'une littérature peut-être mineure, mais qu'il faut habiter, faire exister. Et la prochaine fois, peut-être que les murs trembleront plus, sans que nous tremblions nous-mêmes, car nous nous sentions fortes et nombreuses, à croire qu'il est de première nécessité de se battre depuis l'endroit de la mixité choisie et sans que les différences tactiques soient vécues comme des exclusions, mais comme des différences à faire exister. Mais je trouve que c'est quand même une chouette initiative. Bah, c'est assez intéressant de voir ça, en fait, de voir que non seulement il y a une force féministe qui existe en France, qui est très nombreuse et qui est radicalement anti-nucléaire aussi, et qu'il y a moyen de retrouver de la force tout ensemble, et qu'il y a aussi moyen de retrouver des marges d'action, etc., du fait qu'en fait, comme on ne fait pas peur, on a plus de possibilités de s'exprimer, en fait. Donc c'est très intéressant, et comme ils disent, c'est qu'un début, donc on attend avec impatience les prochains rendez-vous féministes à Bure, et les prochains événements à Bure, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour Bure, parce que c'était un peu long déjà. Et après, voilà, je vous invite à aller lire les news sur burburbur.info, par exemple. Et je vais vous passer, du coup, en musique, Zirap, qui est, du coup, des sessions rap de Bure. Voilà. Et donc là, ça s'appelle « Casseuse des champs ». Le marchand de sable est devenu un dealer de poussière, un briseur de rêves, esclave des élites financières, un trafiquant d'armes, un fournisseur de drames, de larmes, un simple fabricant de missiles nucléaires. Ils veulent ensevelir nos idées, atomiser nos espoirs. Et oui, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre, un contre-pouvoir face à ces dictateurs qui veulent faire de notre joli monde un enfer. Caché derrière vos ordres, horrible mission de bleu vêtu à Bure, missionnaire de destruction, sors du rang, casseur des champs, ce chant pour nos enfants que je t'envoie en pleine face à face, avec ton cœur de glace, prends ta baffe et de grâce, casse-toi de là, dans la forêt tape à ta place, les hiboux, debout la lispo, à genoux. La violence au chaos, c'est un raccourci où elle est copaine, faut parler vrai, ça fait un temps que certains, certaines sont enivrées, glace nos paroles, les rossignols. Une colère vive en réponse aux mensonges. Les briseurs de rêves sont sans songe. Et ensemble des deux côtés du miroir, je sais pas si tu peux voir, mais le miroir de nos souffrances l'ont tué, veulent enterrer. Mais notre parole, c'est comme notre âme, c'est comme la rime. Mais souvent, je me repose sur des rives d'espoir. Viens pas me casser le champ des possibles. J'ai le flow magnétique, cracheur de flux. Communiquer à la bonne distance des gens. Comment faire ensemble sans faire semblant? Voici ma désolation, demeure sensible. Le combat est partout où le désert s'approfondit instable. Nos champs de cailloux restent intraçables. Terre aride, c'est tout ce qui pouvait arriver. Nos corps sont brûlés à l'acide, mais qu'avait-il tant espéré? Une défaillance ancestrale, total oubli du rythme astral. Nouvelle folie occidentale, un résultat défectoral. Un esprit sain dans un corps sain. Non mais regarde autour de toi, juste des angoisses tous les matins et des douleurs dans l'estomac. On détruit tout ce qui nous fait vivre. Qu'attendons-nous depuis tout ce temps pour repasser à l'offensive? La haine a envahi nos champs. Check ma commissure, commissaire, sur ton fumier de manche misère. Commis d'office et militaire, voit la constellation de notre colère. Ton travail mérite sa pierre dans les ciels et sur leur tête. Par mon parvo, ni Dieu ni maître, mort aux vaches et poudre de champêtre. Par mon pavot, ni Dieu ni maître, mort aux vaches et poudre de champêtre. Ras des villes, ras des champs, sans débile en équipement, sans aucune rue adjacente. Ce soir on tapera pas la banque. On ira où on voudra quand on voudra. Et on s'aimera encore même quand l'Andra sera mort. Dans les yeux des mille, les rougis par la lacrymo. La même détermination que celle de la bande à Bono. Ça fait zaï zaï zaï zaï, flashball sur la colline. Et ça caille caille caille caille dès qu'on sort du sleeping. Quoi qu'il vaille vaille vaille vaille, d'assain avait la classe. Casseur des champs, chanteur des casses. Allume le feu de la rage contre leur haine glaciaire. Dans la brume épaisse, les hiboux sortent avec leur masque à l'arme. Ici plus de bien au mal, non, ni que leur morale. On est des animaux sauvages, des inconnus, indominables. Autogestion contre leur geste automatique. Cocktail de face, toute leur matraque, on lance des pavés dream. Ouais c'est dramatique, ici on bouffe pas de viande. Mais on a tous un jour rêvé de se faire du pâté de flic. À coup de haine, je casse les champs des sirènes. Les flics brisent nos champs de la veille. Ceux qui nous tiennent aux entrailles, cette tenaille découpe les murs. Du son, des klaxons dans les champs, dans les bois. Loin du murmure, du fracas citadin. Nous hurlons et brisons les lois. Celles des séraphins bleus, celles qui nous tuent à petit feu. Monoculture à perte de vue, le vertige me prend. Une terre cultivée, vidée, labourée, éventrée. Tout le vivant contrôlé, sous-sol bientôt irradié. Alors après le vertige, vient ma rage. J'ai rien à proposer, juste envie de tout péter. Agriculture, éolien, nucléaire, l'NTHT. C'est la civilisation que je veux voir voler en éclats. Pas simplement ce lumineux labo de l'Andra. Fier d'être un gasseur de champs avec mes cerfs, rageurs d'aimants, mangeurs de cailloux assumés, ne me demande jamais d'être clément. Depuis que vous avez débarqué et embarqué toutes mes copaines, j'ai envie de vous embrasser avec un pavé au goût de ma haine. Le flou coule dans mes veines et commence à embraser ma colère. Fait bouillonner ma déterre, envie de vous mettre la misère. Je suis pas d'un arrêté pour pouvoir nous arrêter, méchamment révolté. Jamais vous ne casserez notre champ. C'est pour les casseuses, les hackers, les squatteurs des champs qui essayent de penser droit même dans des vapeurs étranges. Pour la chaleur de l'échange, foutre le monde que l'on a fui. Pour les soi-disant profiteurs qui caillent. Y'a moins 10 dans la nuit. Les endossiers face au GM. La peur au bide ne nous arrête pas. On leur glace sur les pieds, on les fera reculer. Car si on est ensemble, on a assez de bras. Les connexions se font de la ZAD à la ZIRA. Avec la force du nombre, c'est le vieux monde qu'on enfouira. Des casseurs, des gens qui jouent au mateur. Des gens qui s'opposent aux désastres ne sont rien d'autre que des gendarmes. Chasseurs du Maine au volant sans moteur, ils sont trop lents. Ils se mettent à dos les paysans qui tirent la sonnette d'alarme. Andra marche sur des œufs. La vie des voteurs est précieuse pour qu'ils les laissent faire sans qu'ils ouvrent les yeux à Bure. Mandron les cris à haute voix. Le nucléaire en continu, on le démantèlera. Mon four, mes bleus et mes blâmes, barrez-vous sur le côté. Vos battes pliées, s'il vous plaît. Vous avez votre permis de fuir. Je vois que vous êtes pas en reine, là, votre assurance a dépassé ma rate. Je suis mon couplet, vous savez. Gare au larbin des plaines qui déplaît à vos gardiens nobles. Les renégats font des dégâts et que les dégourons défendent les farces de l'ordre. Des pierres dans la face, la mémoire qui s'efface. Ensemble sur nos propres traces, ils se plaignent de la casse. Ce con est qui tabasse, des murmures dans la nasse. Des murs s'écroulent sous la masse, tous dans l'impasse. Caillou, il bouge au jour, on se déclare n'importe où. Dehors c'est l'incendie, combien de gens encore qui mendient? Je réclame pas de Gandhi, mais plus de milliers de bandits. Il faut abonner les caddies pour combattre celui qui t'éradie.